Chapitre 13e. Un grand coupé armorié, attelé de vigoureux chevaux normands, s'arrêta brusquement, un matin, devant la porte de l'hôtel des princes. Aussitôt, le valet de pied, assis à côté du cocher, sauta lestement de son siège et accourut prendre les ordres de la personne qui se trouvait dans la voiture. « Tâchez de savoir auprès des gens de l'hôtel, dit cette personne, si le comte de Rubigny demeure toujours ici et s'il est en ce moment chez lui. » Le valet de pied exécuta cet ordre avec promptitude et vint répondre que le comte demeurait à l'hôtel et qu'on ne l'avait pas encore vu sortir. « Alors ouvrez la portière et aidez-moi à descendre, » dit le propriétaire de la voiture. « Vous êtes-vous informé du numéro de la chambre ? » ajouta-t-il en traversant la cour. « Oui, monsieur le marquis, c'est le numéro 4, au second. »« Au second, diable ! C'est un peu haut pour moi, ce matin. Je crois que ma satanée goutte va me reprendre. » Eh bien, sommes-nous arrivés enfin ? Monsieur le marquis, voici la porte. Ouvre alors, au lieu de me faire attendre sur mes jambes, si tu crois que je suis à mon aise, après une telle ascension. Bien, maintenant va-t'en, je descendrai seul. Vibert, assis devant la cheminée, tisonnait le feu lorsque la porte s'ouvrit. Il retourna la tête, poussa un cri de surprise, se leva précipitamment et courut à la rencontre de son visiteur en s'écriant : Quoi ? Monsieur le marquis, vous, chez moi ? « Oui, moi, chez vous. Qu'y a-t-il d'étonnant ? Ne vous appelez-vous pas le comte de Rubigny ? Je ne déroge donc pas. Soyez-moi stupéfait et avancez-moi un fauteuil. Vous avez des étages qui peuvent compter. » Le marquis de X, que sa correspondance avec Vibert nous a seulement fait connaître jusqu'à ce jour, portait allègrement ses 65 ans. Il avait la figure la plus intelligente du monde, la lèvre fine et des favoris rares, taillés à l'anglaise. En souvenir de son passage au garde du corps, il redressait le plus possible sa taille légèrement voûtée. Il s'habillait d'une façon qui n'appartenait qu'à lui. Son gilet était démesurément long et se boutonnait jusqu'au menton. Ses cols de chemise étaient très évasés, son habit noir, il sortait en habit dès le matin, avait une forme particulière. Ses pantalons, très larges, se rétrécissaient à la cheville comme les pantalons dits à la hussarde. M. de X a été, de 1835 à 1848, l'enfant gâté de la chambre des pères. On se rappelle encore ses saillies et ses boutades, qu'on se répétait de bouche en bouche dans tous les salons de Paris. C'était le seul pair de France qui fût un peu populaire. On s'arrachait ses discours, on les apprenait par cœur, on ne lisait le compte-rendu de la séance que si le spirituel marquis avait parlé. Et il parlait souvent, à la grande joie de ses collègues, qui criait contre lui pour la forme, mais qu'il écoutait avec un plaisir extrême. Tout à coup, sans qu'on s'y attendît, il se levait, et plongeant ses deux mains dans les vastes poches de son gilet, il abordait la question à l'ordre du jour. « Mais, monsieur de X, pourquoi prenez-vous la parole puisque vous ne l'avez pas ?» faisait remarquer le président. « Monsieur le président, répondait le marquis de sa voix incisive, permettez-moi de vous dire que si je l'avais, je ne serais pas obligé de la prendre. » « Monsieur de X, laissez-moi vous faire observer que vous n'êtes nullement dans la question. Vous nous parlez depuis une heure de l'Angleterre, il ne s'agit pas de l'Angleterre. »« Monsieur le Président, » répliquait le marquis, toujours si calme, « mon amour pour les Anglais ne m'étouffe pas, vous le savez bien. Si je parle d'eux, c'est qu'ils se trouvent collés à toutes les questions, mais pas à celle-ci. Je vous demande pardon, monsieur le Président, puisque j'ai trouvé moyen de les y rattacher. » Malgré toutes les interruptions, il continua à discourir pendant une heure de la façon la plus intéressante et la plus pittoresque, ramenant toutes les questions à l'Angleterre et développant d'une façon charmante des thèses toujours nouvelles. Quand le marquis de X fut commodément installé dans son fauteuil, il se tourna du côté de Vibert et lui dit « Alors, vous vous imaginez pouvoir me supprimer mon feuilleton quotidien, sans que je m'insurge, sans que je vienne me relancer pour avoir la suite ?» Pendant un mois, suivant nos conventions, vous m'expédiez tous les matins pour mon déjeuner mes 8 colonnes. Vous m'apprenez les moindres détails de cette affaire de la rue de la Paix. Vous m'initiez à tous les faits et gestes de la belle Julia Vidal et de cet aimable intrigant appelé Savary. Vous m'annoncez pour le lendemain la grande scène du couteau poignard au café anglais. Cela promet d'être palpitant et patatras. Plus de feuilletons, plus de récits, plus rien. La suite au prochain numéro était un leurre. Vous vous étiez moqué de votre lecteur assidu. Ah, si vous saviez, monsieur le marquis, dit tristement Vibert. Eh, morbleu, si je savais, je ne vous demanderais rien. Voyons, que sont devenus tous vos personnages? Je les aime, ces gens-là. Votre Julia ne parle pas beaucoup, c'est une justice à lui rendre, mais elle a du nerf. Votre Sabari est un joli produit de la société corrompue qui nous entoure. Il me plaît, ce grenin-là. Donnez-moi de leurs nouvelles, à tous. Je ne saurais vous en donner, monsieur le marquis. Depuis plus d'une semaine, je n'ai pas vu les personnes dont vous parlez. Vous me la baillez belle, s'écria le marquis. Et votre métier, qu'en faites-vous? Mon métier consiste à rechercher un coupable. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Ah, il est pincé le gueux. C'est un peu tôt. Vous croyez sans doute, monsieur le marquis, que je parle de Savary, évidemment. C'est une erreur. Savary n'est pas le coupable. Alors Vibert raconta au marquis de X tout ce que nous savons au sujet de Langlade et de Soleil couchant. Ce récit, loin d'intéresser le pair de France, parut le mettre de très méchante humeur. « Eh bien voilà un joli résultat » dit-il, lorsque Vibert eut cessé de parler. L'assassin est tout simplement un forçat. C'est d'un plat, d'un terre-à-terre à faire frémir. Vous mériteriez d'être cassé au gage. Quoi ? Il se présente une affaire qui promet d'être un peu original, une jolie femme, un beau garçon, un amour à l'horizon, quelque chose de pittoresque enfin. Et ce joli roman va se dénouer le plus vulgairement du monde. Savary et Julia retourneront à leurs petites affaires. Il n'y aura qu'un maladroit de plus au bagne. C'est d'un bourgeois, comme je reconnais là mon époque. Nous sommes bien sous le règne du parapluie. » Puis s'adressant directement à Vibert. « Mais, continua-t-il, si tout est fini, réglé, si votre assassin est coffré et votre Savary blanc comme neige, pourquoi continuez-vous à trancher du comte de Rubigny, à demeurer dans cet hôtel de la fashion, à porter des vêtements qui éclipsent les miens? Nous avons donc fait un héritage, ou bien nous nous sommes découverts de vrais ancêtres? Mon Dieu, monsieur le marquis, dit Vibert un peu troublé, je finis d'user mes vêtements, et je termine à l'hôtel d'une quinzaine commencée. Vraiment, mon petit protégé, vous croyez que je vais ajouter foi de pareilles sornettes? Vous, usez sans utilité vos beaux vêtements? Vous préféreriez à mille fois les vendre à quelques fripiers? Vous, terminer une quinzaine commencée dans un appartement qui doit vous coûter les yeux de la tête? Allons donc! D'abord, les appartements se louent ici à la journée. Puis les maîtres de l'hôtel, j'en mettrai ma main au feu, ne demandent qu'à vous voir partir. Je vous connais. On ne vous pousse pas facilement à la dépense. Dix bons hommes de votre trempe ruineraient un établissement comme celui-ci. Mon cher Vibert, vous avez d'autres motifs pour rester dans cette maison et je vous les dirai, si vous y tenez. Mais, monsieur le marquis, vous n'y tenez pas. Vous sentez que je vous ai déjà compris, vous qui êtes si fin cependant. Oh, je ne suis pas fin avec vous, monsieur le marquis. Et tu as raison, grand enfant, dit monsieur de X, en se rapprochant de Vibert, qu'il prit par l'oreille. Voyons, continua-t-il d'un ton presque paternel, conte-moi tes peines, cela te soulagera. À qui les dirais-tu? Si ce n'est à moi. Tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de maîtresse. Tu vis replié sur toi-même, et si tu as du chagrin, tu dois souffrir plus que tout autre. Oh oui, fit l'agent de police en soupirant. Tu vois bien que j'ai deviné juste. Voyons. Je vais te donner l'exemple de la franchise. Ce n'est pas seulement un sentiment de curiosité qui m'a poussé ici, c'est le désir d'apporter quelques consolations à tes peines. Est-ce que, d'après tes lettres, je n'ai pas vu grandir peu à peu le mal qui te fait souffrir? N'ai-je pas compris pourquoi, si expansif autrefois, tu gardais maintenant le silence? Tu sais bien que je te porte un vif intérêt. J'aime la tournure de ton esprit, ta bravoure, ta piquante originalité. Tu ne ressembles pas à tout le monde. Sous l'Ancien Régime, on aurait fait de toi un Louvois, un Richelieu ou un Mazarin. De nos jours, pour mettre à profit tes qualités, tu entres dans la police et tu as raison. C'est peut-être un métier moins bête que les autres. Je n'ai pas de sots préjugés, moi, je n'ai que des convictions. Allons, parle à ton tour, car je n'en finirai pas. Je suis d'un verbeux ce matin. Il n'y a pas eu de séance depuis 2 jours et je me rattrape. Que vous dire, monsieur le marquis, si ce n'est que je suis profondément touché? Assez! N'entamons pas le chapitre de la reconnaissance. Il faut tout simplement m'avouer pourquoi tu restes dans cet hôtel, ou plutôt, je vais te le dire moi. Tu continues à t'appeler le comte de Rubigny, à t'habiller en gentleman, à demeurer ici parce qu'il te semble qu'en retournant rue de l'Arbre Sec, en redevenant Vibert, tu mettrais un abîme encore plus profond entre elle et toi. Ai-je frappé juste? Oui, répondit Vibert simplement. Tu l'aimes donc bien? Ah, si je l'aime! S'écria tout à coup Vibert. Je l'aime avec toutes les ardeurs d'un cœur vierge, d'une imagination contenue jusqu'à ce jour. d'un tempérament qui s'ignorait et qui vient de se révéler. Je n'ai pas usé mon cœur, moi. Je ne l'ai pas ouvert à tout venant. Je ne l'ai pas traîné dans toutes les fanges et sali à tous les contacts. Aucune des femmes que j'ai rencontrées jusqu'à ce jour n'a pu le faire battre. Elle passait et je détournais la tête. Elle m'est apparue et aussitôt, une subite métamorphose s'est opérée chez moi. Mon sang est devenu plus chaud. Mon système nerveux s'est développé. Des flammes subites me montent au visage. Une sorte d'éclosion spontanée se fait en moi. Et elle est d'autant plus violente qu'elle est plus tardive. Oui, à 36 ans, je commence seulement à vivre. Et j'ai enfin toutes les passions d'un homme. Mais ces passions, je dois les étouffer. Celle qui les a fait naître ne peut les comprendre, ne peut les excuser. Ah, si vous saviez ce qu'on souffre à se dire, enfin, la voilà, cette femme que j'attendais, elle est là, près de moi, je la vois, et je ne puis la toucher. C'est cependant une femme comme les autres, plus belle et meilleure que les autres, mais faite à leur image. Femme dans toute l'acception du mot, prête à s'émouvoir si on a l'esprit d'être éloquent. Ce n'est pas une statue, un marbre, une idole, c'est une vraie femme. Mais moi, je ne suis pas un homme comme les autres, je suis construit de telle sorte qu'on se demande, me voyant, si je suis né viable. On me prendrait pour une espèce de singe perfectionné. Les dames de l'ancienne Rome, qui se mettaient au bain devant leurs esclaves, m'auraient traité avec le même sans-gêne. « Vous ne seriez pas déjà si fort à plaindre, » dit le marquis de X, qui voulait égayer la situation. « Vous croyez cela, monsieur le marquis? Je voudrais vous y voir, moi aussi. » »« Il n'y a pas de supplice comparable au mien, » continua Vibert sans prendre garde à cette nouvelle interruption. « Tant à lui-même, » qu'on a l'habitude de plaindre, était le plus heureux des hommes auprès de moi. Il avait faim, il avait soif. Je suis altéré, moi aussi. Il voulait mordre aux fruits appendus sur sa tête et les fruits s'éloignaient lorsqu'il tendait la main. Moi, je voudrais mordre à l'amour et l'amour me fuit lorsque je l'appelle, lorsque je lui crie « Viens, je suis vaincu par toi ». Vibert trouva une sorte d'âpre plaisir à étaler ainsi toutes ses plaies, à dire « Tenez, c'est là que je souffre, c'est là que je saigne, voilà le mal qui me ronge. » Il exagérait ses infirmités, il se faisait plus petit, plus laid, plus difforme qu'il n'était vraiment. Il mettait de la coquetterie à s'amoindrir et à s'abaisser. Espérait-il que le marquis le relèverait, le sortirait de la fange où il paraissait se complaire? Voulait-il plutôt se persuader à lui-même qu'il y avait entre Madame Vidal et lui un abîme infranchissable, qu'il était inutile de lutter et de souffrir plus longtemps? Le marquis l'écoutait attentivement. Il se sentait rajeunir auprès de cet homme plus fougueux et plus passionné qu'on ne l'est de nos jours à 20 ans. Lui qui vivait dans un monde officiel, cravaté, empesé, gourmé, froid par tempérament et par calcul, il se trouvait heureux de sentir à ses côtés un être ardent et fort. Ses membres, glacés par l'âge, se réchauffaient peu à peu dans cet appartement de l'Hôtel des Princes. Il se demandait s'il n'allait pas être tout à coup saisi par le froid lorsqu'il rentrerait à la chambre des pères. Puis, Vibert ne lui était pas indifférent. Quelques lointains souvenirs, quelques mystérieux traits d'union rattachaient peut-être le grand seigneur, le millionnaire, le père de France, au petit employé de la préfecture. Le marquis souffrait de voir souffrir son protégé. Il voulut essayer d'apporter un soulagement à ses douleurs. « Je ne suis pas, lui dit-il, un donneur de conseils, un radoteur et une ganache, comme mon âge semblerait l'indiquer. » Je ne vous dirai pas qu'il faut vaincre vos passions et défendre votre cœur de battre. Je sais bien que vous ne demandez pas mieux. Je ne vous donnerai pas davantage des espérances qui seraient dangereuses et auxquelles je ne crois pas. Il est difficile, en effet, que Madame Vidal puisse vous aimer, non pas à cause de vos imperfections que vous exagérez à plaisir, mais à cause de votre position auprès d'elle. Elle n'est pas habituée à voir en vous un homme. Vous avez été pour elle un moyen, un agent, une chose. S'il ne s'agissait que d'un vice de conformation physique, je pourrais espérer. La femme vaut mieux que nous. Tandis que nous avons une seule préoccupation, savoir si elle est belle, elle recherche souvent nos qualités morales et s'éprend du fond plutôt que de la forme. Nous sommes toujours plus ou moins matérialistes. Elle est le plus souvent spiritualiste. Mais une femme comme celle dont vous êtes affolée ne transige pas avec certaines défectuosités morales. Elle peut s'éprendre d'un malfaiteur si son imagination est ardente et dépravée, mais elle ne s'éprend pas d'un malheureux qui occupe un rang inférieur au sien et qui fait un métier plus ou moins réprouvé. Le marquis avait depuis un instant oublié sa goutte. Il se leva, prit le bras de Vibert, et le forçant à se promener avec lui dans le salon, il continua en ces termes. « Vous le voyez, je vous parle avec franchise, avec rudesse même, comme c'est mon devoir, comme j'en ai le droit. Mais je puis vous donner quelques consolations. Qu'est-ce qui fait surtout souffrir en amour, c'est de se dire « cette femme que je désire ardemment appartient à un autre ». Je ne puis me faire aimer et l'adore celui-là. Rien de semblable n'existe avec Madame Vidal. Tout entière au souvenir de son mari, son cœur est insensible à toutes les séductions. Vibert s'arrêta tout à coup, laissa retomber son bras sur lequel s'appuyait le marquis et dit avec brusquerie « Vous désirez me faire parler, n'est-ce pas ?»« Moi ?» dit Monsieur de X, sérieusement étonné. « Vous vous dites, reprit Vibert, mettons le doigt sur cette plaie nouvelle, il va me la montrer, comme il m'a montré les autres. » « Loin de moi cette pensée, mon ami. À quelle plaie faites-vous allusion ?»« À celle qui me fait le plus cruellement souffrir, monsieur. Je croyais que vous l'aviez deviné. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Je vous pardonne, mais achevez de m'ouvrir votre cœur. Vous ne sauriez vous confesser à demi. Toutes vos douleurs m'appartiennent. »« Monsieur le marquis, s'écria Vibert, je suis jaloux, furieusement jaloux. »« Et de qui donc ?»« De Savary. »« De Savary ? Elle l'aime ? Elle l'aimera ?» C'est impossible. Qu'est-ce qui vous porte à le croire? Tout, monsieur, tout. Ah, vous ne le connaissez pas, ce Savary. Il est grand, il est beau, il est élégant, il est distingué. Il s'exprime aisément, il est adroit et souple. Je connais toutes ses qualités, monsieur le marquis. Je les ai, pour ainsi dire, épiées. Et je vous jure bien qu'un tel homme parvient toujours à plaire lorsqu'il le veut. Mais cet homme, elle a dû le haïr. N'était-il pas pour elle l'assassin de son mari? Il ne l'est plus. On ne passe pas ainsi de la haine à l'amour. Je vous demande pardon, monsieur le marquis, et vous le savez mieux que moi. C'est justement de la haine qu'on passe à l'amour. Il existe même un proverbe là-dessus dont je vous fais grâce. Ah, si Savary lui avait été indifférent, vous auriez raison. On ne s'éprend pas tout d'un coup d'un homme auquel, pendant longtemps, on n'a pas fait attention. Moi, je n'ai aucune chance, comme vous le disiez fort justement. Il les a toutes. Songez qu'elle a des torts envers lui, d'énormes. Elle l'a soupçonné injustement d'une infamie. Elle voudra réparer ses torts, et on ne sait pas où peut s'arrêter une femme qui s'est mise en tête de réparer ses torts. Soit, j'y consens, répliqua M. de X. Mais mon cher, vous oubliez que Mme Vidal est une honnête femme, qu'elle aimait son mari, et qu'elle restera longtemps fidèle à son souvenir. Voilà l'erreur, monsieur le marquis. Mme Vidal n'a pas aimé son mari. Que dites-vous là? Ce que j'ai appris à n'en pouvoir douter. Ne suis-je pas observateur par métier et par tempérament? Elle habitait Gênes, au milieu de sa famille, lorsque Maurice Vidal est arrivé, l'a vue et l'a demandé en mariage. Elle a consenti à l'épouser parce que ce parti était avantageux, qu'elle allait vivre à Paris, ce qu'elle rêve de toutes les étrangères, et qu'enfin, le premier homme qui fait la cour à une jeune fille a de grandes chances pour lui plaire. Elle a pris pour de l'amour ce qui, après avoir été un simple sentiment de curiosité, est devenu par la suite un honnête attachement. Quant au véritable amour, son mari, comme tous les maris, n'a pas songé à le lui inspirer. Maurice Vidal, en homme sensé, eut du reste trouvé dangereux d'exalter une imagination déjà trop vive. Peut-être même n'y a-t-il jamais songé. D'un caractère un peu sec, d'une nature froide, il savait aimer sagement et honnêtement, mais il devait ignorer les désordres de la passion. Il n'avait exigé de sa femme que ce qu'il pouvait lui-même lui donner, un dévouement à toute épreuve, un grand attachement et une douce tendresse. Comment expliquez-vous alors, demanda le marquis, le violent désespoir de Madame Vidal à la mort de son mari et cette exaltation que vous avez si fort remarquée chez elle? Je n'ai pas prétendu, monsieur le marquis, que Madame Vidal ne fût pas exaltée. J'ai dit qu'on l'avait obligée à contenir cette exaltation. Aussi a-t-elle trouvé, pour venger la mort de Maurice Vidal, des ardeurs d'autant plus vives qu'elles avaient été longtemps étouffées. Aujourd'hui, lasse de rechercher ce meurtrier qu'elle ne peut atteindre, elle renonce à sa vengeance, mais il faut que son exaltation se dépense et Savary est là. Après un instant de silence, le marquis dit à Vibert « Que comptez-vous faire maintenant ?»« Oh, je n'en sais rien. Je compte souffrir. C'est une fameuse occupation. Allez. » « Aurais-tu le projet de continuer à vivre dans cet appartement ?»« Oui, tant que je pourrais disposer d'un peu d'argent. » « Essaieras-tu de revoir Madame Vidal ?»« Le revoir, oui. » Lui parler, non, à quoi bon? Elle n'a plus besoin de mes services. Je ne te comprends pas. Comment peux-tu la revoir et ne pas lui parler? Tu te mettrais sur son passage, tu... Non, dit Vibert en interrompant le marquis. J'irai chez elle. Alors? Je puis la voir sans qu'elle m'aperçoive, sans qu'elle se doute de ma présence auprès d'elle. Le jour où je lui ai loué un logement, je me suis réservé une cachette. Oui, J'aime à Logette, rue de Gramont, comme l'amoureux d'Esmeralda en avait une à Notre-Dame. Tu penses à tout. Je pensais alors à surprendre les confidences de Sabari. Je pense maintenant à... Il s'arrêta. Continue, dit affectueusement le marquis, à me repaître de leur amour. Acheva Vibert, n'est-ce pas ma destinée? Puis-je vivre pour mon compte? Ne dois-je pas toujours vivre de la vie des autres? Comment? Tu auras le courage? Oui, écoutez. L'appartement de Madame Vidal communique directement d'une part avec la chambre à coucher et l'antichambre. Mais au fond, à droite, du côté de la cheminée et en face du canapé où elle s'assied d'habitude, se trouve une porte vitrée. Cette porte est fermée à l'intérieur et à l'extérieur par des verrous. Je passe devant le concierge, il croit que je monte chez Madame Vidal et il ne fait aucune remarque. Au lieu de prendre le grand escalier, je gravis à la hâte l'escalier de service. J'ouvre une porte dont je me suis autrefois procuré la clé. J'entre dans un corridor et je me trouve devant la porte vitrée. Alors je me blottis dans un coin. J'applique un œil contre une petite ouverture que je me suis ménagée et je vois sans être vu, j'entends sans qu'on m'entende, car je retiens mon haleine et je comprime mon cœur à deux mains pour l'empêcher de battre. Mes malheureux enfants, c'est de la folie, c'est de la sagesse. À force de souffrir, j'arriverai peut-être à user ma douleur. Renonce à ces projets insensés, dit le marquis. La mission qu'on t'avait confiée est remplie, grâce à ton intelligence. L'assassin de Maurice Vidal est découvert. Cette affaire ne te regarde plus. Elle n'est pas du domaine de la police. C'est à la justice seule qu'il appartient de s'en mêler. Reprends tes occupations d'autrefois. Rentre dans la rue de l'Arbre Sec et dans tes bureaux de la rue Saint-Honoré que tu n'aurais jamais dû quitter. Je ne pourrais plus, dit Vibert, rentrer dans mes bureaux et travailler. Ma pensée serait ailleurs. Préfères-tu quitter Paris, la France, voyager, courir le monde? Je ne sais que faire de ma fortune. Mes revenus m'embarrassent. Je ne tiens pas à augmenter l'héritage de mon bélitre de neveu. Pars, je te fais une pension proportionnée à tes besoins. Oh, monsieur le marquis, que vous êtes bon, dit Vibert. Eh non, je ne suis pas bon. Je t'aime, voilà tout, imbécile. Voyons, acceptes-tu? Non, monsieur le marquis. J'aurai assez de force pour souffrir. Je n'aurai jamais le courage de m'éloigner d'elle. Va-t'en au diable, alors! S'écria le marquis en prenant son chapeau. C'est un bon conseil, je le suivrai, dit Vibert, qui accompagna respectueusement son protecteur jusqu'au bas de l'escalier.